Page 79. Activité 5. Piste 68. A. Julia va à l'école le matin. B. Elle regarde la télé le soir. C. Elle déjeune à la cantine à midi. D. Elle dessine à l'école l'après-midi.